Moi, en termes de ressources, c'est beaucoup moins parce que tu gères que le flux que je reçois là. Thank you. oui, pardon. En fait, moi, je compare. Tu les vois, les trucs, hein.